Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea servi en 8 saveurs décaféinées, auquel vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679 0900. Toute l'équipe du restaurant Midas invite la population à participer aux activités des régates de Saint-Félicien. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS. De vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeur d'échangeurs d'air et aussi de conduite de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. La 10e édition du Festival des biens extrêmes débute ce week-end avec une programmation complètement disjonctée. Ça débute jeudi avec un tournoi de poker, suivi d'un vendredi 100% rock, samedi, championnat du monde de pédalo, jeux gonflables, hommage aux Beatles, et dimanche, championnat régional de motocross et après-midi country sous le chapiteau, suivi de la tourtière extrême, chaise musicale, feu d'artifice et Geno Music. Cet été, bien disjoncté à des biens, ville de l'extrême. National Hockey vendredi. Salut Stéphane. Salut Danny. Stéphane, évidemment, avant de parler du repêchage, qu'est-ce que tu t'attends du Canadien et les bilans de Jeff Molson? Tu faisais 10 ans de Jeff Molson. Stéphane, je veux te parler de la série entre les Blues de Saint-Louis et les Bruins de Boston. Ça a été un match qui s'est soldé en 7 matchs. Une série, c'est-à-dire. Oui, une série âprement disputée. Une belle finale, j'étais content de voir là l'ensemble de cette finale-là, la qualité de jeu. Par contre, là, on peut voir que c'est un petit peu l'ancien style de la Ligue nationale qui a prévalu dans cette série-là, du hockey un petit peu à l'ancienne, où le jeu physique a pris beaucoup de place. C'est peut-être pas la meilleure équipe qui a gagné, mais somme toute, là, la détermination des Blues de Saint-Louis avec une équipe quand même bien balancée, mais surtout engagée, qui a fait en sorte qu'ils ont réussi à gagner ça là, au match numéro 7 à Boston. J'espère une chose, par exemple, parce que tu sais, les Blues ont été derniers dans la Ligue nationale le 1er janvier. J'espère que les gens ne diront pas, ben regarde, regardez les Blues de Saint-Louis, puis ils étaient derniers, puis finalement ils ont gagné la Coupe. Moi, je considère que c'est une erreur de parcours. Là. Ben, c'est quand même une situation assez exceptionnelle. Faudrait pas penser que ça devient coutume. Mais faut dire que les Blues de Saint-Louis, Danny, ça fait quand même plusieurs années là, qu'on pense que c'est une équipe qui sont assez solides pour aspirer aux grands honneurs, mais malheureusement sous-performait. Et puis avec quelques changements, ça tardait avant d'avoir des résultats rapides. Mais je pense qu'il faut donner crédit beaucoup au directeur général qui, à un moment donné, a failli peser sur le bouton de panique et tout liquider son équipe. Mais au lieu de ça, il a été patient, il a donné une deuxième chance. Il avait même rencontré ses joueurs pour leur dire qu'il croyait en eux. Et finalement, tout ça a fait en sorte que les Blues ont réussi à basculer leur saison. Et au fur et à mesure que les séries avançaient, on commençait à croire à la possibilité de gagner la Coupe Stanley. Donc, il faut leur donner crédit là, d'avoir su relever une saison qui s'annonçait catastrophique. En une saison là, où on soulève la Coupe Stanley. OK. Je veux te parler lors du septième match. On se rappelle la performance de Jordan Binnington en début. C'était un peu comme Tukaras lors du sixième match. Hein. Binnington a fait des arrêts en début de match, a cassé le rythme des Blues. Et par la suite, les Blues en ont profité. C'est ça qui est arrivé. Il a fait les gros arrêts en début de match pour un peu laisser tomber la foule. Là. Exactement. On dit souvent pour gagner la Coupe Stanley, ça prend un bon gardien de but. Dans cette série-là, on avait deux bons gardiens de but. Je pense que Tukaras a été le meilleur gardien de but dans l'ensemble des séries. Mais au match numéro 5, Binnington a été solide à Boston. Malheureusement, le match numéro 6, un petit peu moins. Mais à chaque fois que Binnington avait des contre-performances, il semblait toujours capable de revenir en force. Et c'est vraiment ce qu'il a fait au septième match. Je l'ai bien expliqué. S'il avait fallu que les Bruins marquent peut-être en première période le premier but, ça aurait peut-être été une autre histoire, mais Binghamton a permis à son équipe de limiter les dégâts jusqu'à temps que les Blues marquent le premier but, ce qui leur a donné vraiment beaucoup d'énergie, de momentum. Et par la suite, ça a été du hockey de rattrapage pour les Bruins de Boston. Mais sans l'excellent travail de Binghamton, je suis pas certain que les Blues là, auraient pu sauver avec la Coupe Stanley. Tu t'attends à quoi cette semaine? Évidemment, là, le Canadien et les équipes de la Ligue nationale, c'est pas mal entre le 15 juin et le 6 juillet que les joueurs à 90% des formations vont se faire. Les Rangers de New York hier ont marqué un coup avec Nashville, Jacob Trouba et Justin Winnipeg. Ils vont repêcher Kako également, le Finlandais, qu'on dit énormément beaucoup de bien. Ça devrait être lui qui devrait sortir deuxième. C'est une autre équipe ça qui a décidé d'accélérer le processus de reconstruction. Le Canadien, l'an dernier, a fait une bonne année. Tout le monde était content parce que personne ne s'attendait à grand-chose. Mais là, cette année, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'attentes. Les attentes vont être au rendez-vous, Danny. Et moi, je m'attends, justement à cause de ça, je m'attends à voir un Marc Bergevin très actif sur le plan des transactions, sur le plan des acquisitions. Je pense qu'il a été, je ne dis pas chanceux, mais il a eu la main favorable à redresser la situation l'année passée avec les échanges, entre autres, là, de Galchenyuk, l'échange de Pacioretty. On a donné un souffle nouveau aux Canadiens, mais j'ai le sentiment que Marc Bergevin est bien conscient là qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir chez le Canadien pour redevenir une équipe aspirante à la Coupe Stanley. Je ne pense pas qu'il va s'endormir sur ses lauriers de l'année passée, malgré qu'il faut pas oublier, le Canadien n'a même pas fait des séries éliminatoires avec un Carey Price dans le filet. Donc c'est pour cette raison-là. On a de la place dans sur la masse salariale. On a quand même beaucoup de choix au repêchage. Et moi, je m'attends à plusieurs coups d'éclat, du moins tentatives de coups d'éclat de la part de Marc Bergevin. Tu t'attends à quoi? Un défenseur gaucher? Parce que là, les rumeurs vont bon train concernant Kyle Kampfhaller. C'est pas d'hier qu'on lit Kampfhaller, Canadien qui a besoin d'un défenseur gaucher, cela dit. Et Kampfhaller en est un. Est-ce que tu t'attends à un défenseur gaucher, un deuxième gardien de but? Semble-t-il qu'il y a un deuxième gardien de but également qui serait une des priorités du Canadien. Ça, c'est important parce que l'an dernier, Antti Niemi n'a pas fait le travail. Bien, c'est sûr que c'est important. Je pense que le défenseur gaucher, c'est un petit peu comme le gros joueur de centre, Danny. On l'attend depuis longtemps. Ouais. Je pense qu'il va arriver. Ça sera quoi son nom? Je pense qu'il y a quand même quelques bons candidats. Un bon deuxième gardien de but, de toute évidence, ça pourrait être très problématique présentement, advenant une blessure majeure à Carey Price. Donc, on doit assurer les arrières du côté du Canadien. Puis par la suite, là, de la profondeur à l'avant, de l'offensive, on le voit là qu'il faut marquer encore davantage de buts. Et puis, ça va passer par l'acquisition, comme on dit, d'un bon défenseur, idéalement défenseur gaucher, d'un bon deuxième gardien de but, et par la suite, j'aimerais bien voir deux attaquants dominants qui pourraient venir se faufiler là, dans les six meilleurs attaquants du Canadien. OK. C'est une très grosse commande, mais si on veut accélérer le processus, parce que je pense pas que les jeunes qui poussent dans l'organisation du Canadien sont encore prêts à jouer un rôle important dans les deux prochaines saisons. Non, je pense que Romanov, le défenseur gaucher, ça peut être Romanov, mais Romanov, écoute, il est actuellement en Russie. Il semble-t-il qu'il viendrait l'an prochain. Ensuite de ça, t'as qui? T'as Brooke, qui est un défenseur droitier. T'en as plein, le Pelling, Suzuki. C'est il y en a un qui va probablement faire l'équipe, mais là, l'autre risque de se ramasser à Laval. Donc, non, c'est les jeunes, là, on est à un an ou deux avec la bonne QV s'en vient. Oui, ça, c'est tout. Si leur développement se passe bien, évidemment. Oui, c'est sûr que c'est le développement, ça s'annonce bien, effectivement. Stéphane, on va faire une pause et je veux te revenir avec ce que ça fait 10 ans que Jeff Molson est à la tête du Canadien. Je veux avoir ton opinion là-dessus. Vous êtes à l'écoute de notre avec Stéphane Nabeau sur les ondes de DanRadioSport.com. La 10e édition du Festival des biens extrêmes débute ce week-end avec une programmation complètement disjonctée. Ça débute jeudi avec un tournoi de poker, suivi d'un vendredi 100% rock, samedi, championnat du monde de pédalo ou jeux gonflables, hommage aux Beatles, et dimanche, championnat régional de motocross et après-midi country sous le chapiteau, suivi de la tourtière extrême, chaise musicale, feu d'artifice et Géno Musique. Cet été, bien disjoncté à des biens, ville de l'extrême. Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea servi en 8 saveurs décaféinées auxquelles vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin. La coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas. 1084 route 169 Saint-Félicien. 679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas invite la population à participer aux activités des régates de Saint-Félicien. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeur d'échangeur d'air et aussi de conduite de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. On va parler avec notre ami Stéphane Lebeau. Stéphane, ça fait 10 ans que Jeff Molson est à la tête du Canadien. Tu retiens quoi? Ben, je retiens de Jeff Molson le mot patience. C'est un homme très patient, j'estime, avec les succès qu'a connu le Canadien sur la patinoire. Je l'ai trouvé patient, surtout dans le 2 ans, lorsqu'il a réitéré sa confiance envers Marc Bergevin. Peut-être qu'au niveau du contrat, il n'avait pas nécessairement le choix d'être patient, mais il a donné une deuxième chance au coureur, Marc Bergevin, qui a quand même fait du bon travail. Maintenant, il doit compléter ce travail-là. Je suis content de voir Jeff Molson à la barre du Canadien. Parfois, j'aimerais ça le voir un petit peu plus exigeant envers les performances sur glace. Des fois, j'ai l'impression qu'il se comporte un petit peu comme un amateur de hockey. Et comme j'ai dit, sa patience, est-ce qu'elle va payer éventuellement? Je le souhaite. Mais je pense que jusqu'à présent, là, Jeff Molson, c'est un homme important dans le milieu montréalais. On peut être fier que ça soit le propriétaire du Canadien. C'est devenu quand même, on dira ce qu'on voudra, c'est devenu de plus en plus difficile de faire les séries avec 31 équipes et le cap salarial et ainsi de suite. Mais l'an prochain, il n'y a pas de doute que Marc Bergevin a énormément de pression. L'an prochain, il faut faire les séries. Je doute qu'on va faire les séries, par contre. Mais Bergevin n'a pas le choix, là, parce que 3 ans de fil sans faire les séries, je ne suis pas sûr que ça va passer à Montréal. Ben là, c'est sûr que la pression risque d'augmenter de la part de Marc Bergevin. Puis en même temps, cette pression-là là, rejaillit dans l'état-major. Et évidemment, Jeff Molson est le propriétaire. Lui, il s'en fait parler à tous les jours. Lui aussi, il aimerait ça donner à ses partisans là, une équipe compétitive et aspirante à la Coupe Stanley. Comme je dis, là, beaucoup de patience. Est-ce qu'à un moment donné, si on continue à sous-performer chez le Canadien, ou du moins à manquer le rendez-vous des séries éliminatoires, est-ce qu'à un moment donné, Jeff Molson pourrait peser sur le bouton panique? Ou est-ce qu'il va continuer là, à faire confiance aux hommes de hockey qu'il a sous la main actuellement? Ah, ça va être très, très intéressant. Deuxième point d'actualité, je veux te parler Eric Carlson, 88 millions pour 8 ans, ça fait quoi, si j'ai bien compté, c'est 11 millions par année. C'est pas 92 millions pour 8 ans d'année? T'as peu, je vais vérifier, mais peu importe, là, on se tombe de 4 millions pour... C'est beaucoup d'argent pour un gars qui a 28 ans, t'es-tu d'accord avec moi? Est-ce que tu l'aurais donné, toi, s'il aurait été à Montréal? Des joueurs moi, tôt? Jamais, non. Non, hein? Non, c'est beaucoup d'années, beaucoup d'argent. Oui, c'est un excellent défenseur. Il l'a démontré dans le passé. Est-ce qu'il commence à tirer de la patte un petit peu? Moi, ces deux dernières saisons de hockey, j'ai pas vraiment admiré Carlson. On parlait beaucoup de sa présence possible ou sa venue possible à Montréal. j'étais très sceptique. Est-ce qu'une équipe peut gagner avec Eric Carlson dans son alignement? Écoute, je pense que c'est un très gros risque que les Sharks de San Jose ont fait. Et puis, bon, tant mieux pour le joueur. Il a connu une grande carrière. C'était maintenant le temps pour lui d'encaisser tout cet argent-là. Mais sur le plan stratégique, est-ce qu'un joueur de sa trempe aujourd'hui vaut autant de place sur le cap salarial? Moi, j'ai mes réserves. Et puis, je suis content que le Canadien ne soit pas embarqué là avec un Eric Carlson à ce prix-là, puis avec autant d'années. C'est 8, c'est 11 millions et demi par saison. Tu as raison, c'est 92 millions. Ce que je veux dire, par contre, écoute, je parlais avec le descripteur des matchs des Sénateurs, puis il disait, lui, il doutait que Eric Carlson soit à Montréal, parce qu'une question d'attitude. Il dit Eric Carlson puis Piquet Souban, ça ressemble pas mal. Puis quand on sait qu'est-ce qu'il a fait que Piquet Souban est parti de Montréal, c'est son attitude. Donc c'était pas vraiment surprenant, là. Ben effectivement, et puis dans le contexte des Sénateurs, il fallait oublier ça, on est en reconstruction. Dans le contexte du Canadien de Montréal, oui, il répondait au défenseur gaucher à la possibilité d'améliorer l'avantage numérique. Mais est-ce qu'au niveau leader, au niveau guerrier, est-ce que Eric Carlson a encore des choses à prouver? Je pense que oui. Mais Eric Carlson à 6-7 millions, on s'entend peut-être pendant 4 ans, j'aurais peut-être pris le risque. Mais pour investir 92 millions, je pense que le risque là était très élevé. Et moi, personnellement, je n'aurais pas pris ce risque-là. OK. Charles Hudon, ça vient de sortir. Charles Hudon, c'est pas l'autre à Montréal. C'est pas vraiment surprenant. Est-ce que Charles Hudon a eu une chance, une réelle chance à Montréal? Bien, écoute, Danny, moi, j'ai entendu dire que le Canadien avait offert une offre qualificative. Oui, mais ça vient de sortir. Pour retenir les services de Charles Hudon. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec Charles Hudon? Est-ce qu'on veut le transjuger? C'est sûr que son année... La saison dernière a été plutôt pas difficile pour Charles Hudon, mais décourageante parce que le rôle qu'il a joué au sein du Canadien a diminué grandement au cours de la saison. Quels sont les plans du Canadien envers Charles Hudon? J'espère que si ça fonctionne pas, ils vont lui donner une possibilité d'aller vers une organisation qui pourra peut-être, là, en changeant d'air, relancer sa carrière. Ah, écoute, est-ce qu'il y a eu vraiment ça? Mais tu sais, je veux dire, c'est un genre de joueur qu'il faut qu'il soit sur les deux premiers trios. Hein? C'est pas un joueur de quatrième trio. Ben, deux premiers trios, présentement, il n'a pas la production offensive. Non, c'est ça. Peut-être sur une équipe qui a un troisième trio un peu plus créatif et offensif. Est-ce que Charles Hudon a eu sa chance? Je dirais qu'en partie, oui. Charles Hudon, moi, je pense qu'il a donné du bon hockey aux Canadiens, mais malheureusement, les chiffres, sa production offensive, malgré la qualité de son jeu, n'ont pas été au rendez-vous. Et c'est un petit peu cet aspect-là de la game, du jeu de Charles Hudon qu'on peut lui reprocher, parce que son jeu est de qualité, il a des chances de marquer, mais malheureusement, là, ça ne va pas se concrétiser aussi souvent qu'on pourrait le souhaiter pour Charles. OK. Stéphane, s'il y a une grosse transaction, je vais te rappeler avec Marc Fortier. Ça me fait plaisir, Danny. Collaborateur, Stéphane.